que la tectonique des plaques est le cadre général et unificateur de la géologie moderne? Vous me répondrez, oui bien sûr, ça fait une éternité que l'on sait ça. Eh bien détrompez-vous, la reconnaissance de cette théorie sur la base du double tapis roulant océanique n'a que 50 ans cette année. Si l'intuition que la Terre n'a pas toujours eu le visage qu'elle a aujourd'hui est vieille de plusieurs siècles, il aura fallu très longtemps avant que cette hypothèse soit confirmée puis validée par la communauté scientifique. Pour autant, est-ce que la tectonique des plaques a livré tous ses secrets? Savons-nous par exemple à quoi ressemblera la Terre dans 500 millions d'années? Tectonique, une théorie implacable, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, ça nous a fait rire aussi quand on a trouvé le titre, ça fait rire mes deux invités du jour que nous avons le plaisir de recevoir, cette implacable théorie que vous allez nous expliquer l'un et l'autre au cours de cette heure. Bonjour Mathilde Cana. Bonjour. Vous êtes géologue, directrice de recherche CNRS dans l'équipe géosciences marines de l'Institut de physique du globe à Paris. Bonjour Eric Calais. Bonjour. Vous êtes directeur du département géosciences à l'École normale supérieure. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette étude en direct sur les ondes de France Culture, en podcast, en replay, bref, de mille et une façons et surtout en complément de ce qui va se dire à cette antenne en vous abonnant à notre compte @laméthodefc pour suivre les études et les liens et les images notamment qui vont être importantes aujourd'hui pour visualiser un certain nombre de concepts que nous allons poster tout au long de cette heure. Alors, je le disais à l'instant, l'histoire de l'acceptation par la communauté scientifique de cette théorie de la tectonique des plaques est une longue histoire que l'on pourrait faire remonter, on en parlera tout à l'heure, jusqu'au XVIe siècle, peut-être même un peu avant, une histoire internationale aussi, mais dont le point d'aboutissement est français. C'est en effet le géodynamicien Xavier Lepichon qui a le premier proposé un modèle quantitatif qui va fixer en quelque sorte cette théorie en 1968. Écoutez ce qu'il en disait, c'était en 1984 dans l'émission Science et Technique sur France Culture. Je pense que comme tout bouleversement majeur dans le domaine des sciences, n'est-ce pas, c'est difficile. Il est extrêmement difficile lorsqu'on a accepté un certain paradigme, une certaine manière de bâtir le système de concepts sur lequel on travaille, de tout bouleverser et de dire, ben non, c'est autrement qu'il faut faire, ce qui amène à des révisions déchirantes pour un certain nombre de personnes. Il y a donc une résistance qui est, à mon avis, saine et normale, mais qui est très importante. Xavier Lepichon, donc, en 1984 sur France Culture, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Pourquoi est-ce que ça a été aussi difficile pour la communauté scientifique d'accepter ce nouveau paradigme de la tectonique des plaques qu'on pressentait pourtant depuis de nombreuses années, Mathilde Cana? À vrai dire, moi, je peux pas vous répondre parce que je pense que nous deux, c'est notre cas, on est arrivés après. Moi, quand j'ai commencé mes études en sciences de la Terre, c'était un fait acquis, du moins, peut-être... Voilà, donc j'ai pas l'impression d'avoir vécu de déchirement ni de débat. Éric Keller ? Oui, c'est la même chose. En fait, on est l'un et l'autre des enfants ou des petits-enfants de la tectonique des plaques et on l'a apprise à l'école. Alors après, on connaît encore certains de nos collègues. On vient d'entendre Xavier Lepichon qui est toujours très actif. Donc on a par oui dire et puis aussi parce qu'on a lu les références bibliographiques historiques, on va dire les papiers des années 50 ou des années 60, où on les fait subir à nos étudiants pour justement leur faire découvrir l'histoire d'une théorie, comment elle se met en place. Donc on a une petite idée sur la manière dont les choses se sont passées, mais on n'est évidemment pas des acteurs. Je pense qu'il y a Xavier Lepichon parlait de résistance. Oui, cette notion de résistance, elle est certainement importante pour les raisons qu'il a indiqué, parce que des carrières entières s'écroulent quasiment dans certains cas, parce que et puis cette résistance, comme il le dit très bien, c'est important qu'il le dise, c'est sain aussi, parce que c'est il y a pas de dogme, il faut qu'il y ait des controverses pour qu'on avance en science. Il y a deux niveaux en fait, il y a un niveau de résistance qui est une discussion par rapport au nouveau concept hein, et qui là est très très utile. Et puis je pense quand même, je dis que je l'ai pas connu, mais j'ai quand même comme toi eu des échos et je pense qu'il y a aussi des résistances qui étaient plus institutionnelles, justement, parce qu'il y avait des positions acquises dans le milieu académique, hein, en particulier en France, je crois que ça a été le cas, qui étaient un peu bousculées par l'arrivée de quelques jeunes qui souvent étaient moins fortement, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils étaient plus axés vers des approches plus physiques, des sciences de la Terre, hein, et sans doute peut-être moins calé en géologie qu'on peut appeler classique, qui est de lire les paysages et les choses comme ça. Et donc il y a eu une... Ça a été difficile, je pense, pour certains vieux... Anciens. Il y a eu ce que vous évoquez, Mathilde Canasser. Il y a eu 50 ans de discussion avec des indices qui s'accumulent. Elle est intéressante, cette tectonique des plaques, la façon dont elle s'établit, parce que elle va s'établir vraiment progressivement, découverte, évidence, et puis vraiment dans des champs scientifiques différents les uns avec les autres. Elle va vraiment avancer pas à pas, être confirmée pas à pas. C'est pas une sorte de bascule paradigmatique comme la relativité générale ou la relativité restreinte d'Einstein. C'est quelque chose qui, petit à petit, va avancer un peu comme un tapis océanique. En quelque sorte, Éric Calais. Oui, ça avance et y a une phrase qui me revient à l'esprit de Xavier Le Pichon que vous venez d'entendre, qui je crois dans un de ses articles où il raconte, ou de ses ouvrages où il raconte l'histoire de la tectonique des plaques dans ces années-là, il dit que la communauté scientifique était confuse en fait. Donc il y avait un grand niveau de confusion, il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient. On était en capacité dans les années 50 et les années 60 de faire des choses d'un point de vue technologique qui étaient impensables avant la Seconde Guerre mondiale. On a pu, grâce à la Seconde Guerre mondiale, entre guillemets, en tout cas grâce aux cartes bathymétriques qui ont été établies pour des raisons militaires, on a pu découvrir des structures océaniques qui avaient un sens, qui n'était pas aléatoire et qui donc ont orienté beaucoup les réflexions après. Mais voilà, il y avait des bribes d'informations, j'ai l'impression, qui arrivaient, des informations nouvelles, des informations débattues, et puis pas de lien pour les comprendre et toute une communauté qui s'agitait autour de ça. Alors on va remonter peut-être un peu aux origines, parce que pendant très longtemps, le modèle dominant, c'est le modèle fixiste, hein, dire que la Terre est dans l'état dans lequel elle a toujours été de tout temps, en tout cas depuis sa création. À partir de quand, quels sont les premiers indices, les premiers scientifiques qui pressentent que ce modèle fixiste, il est soit obsolète, soit il ne fonctionne pas tout à fait bien? Éric Calais. On peut citer, alors évidemment, le Wegener va être la pierre angulaire de cette affaire, du 20e siècle, mais avant ça, il avait été reconnu par Buffon, par exemple, que les contours des continents africains et américains étaient quand même très similaires, et donc on a envie, quand on regarde un globe, même quand on est un gamin, on voit ce parallèle dès qu'on a la possibilité d'avoir une cartographie globale. Après, il fallait l'avancée qui a eu lieu sous Wegener, qui l'a mené, c'était d'établir des preuves géologiques et climatologiques ou paléoclimatologiques qui indiquaient que les continents occupent aujourd'hui des places différentes que celles qu'elles avaient dans le passé. Et puis, un des composants de tout ça, évidemment, c'était les traits de côte. Donc ça, c'est un point de départ important. Oui. Je pense aussi qu'en fait, il y avait deux aspects dans cette affaire. Il y avait un aspect paléogéographique et paléontologique, où il fallait que certaines espèces aient pu passer des ponts continentaux qui n'existent plus, etc. Et il y avait aussi un aspect très, très physique, sur la physique de notre globe. Il y avait un certain nombre de questions qui ont trait à l'état thermique de la Terre, hein, qui en fait peuvent se résoudre et qui ont par exemple amené un monsieur qui s'appelait Arthur Holmes dans les années 20 à proposer qu'il y avait de la convection dans le manteau, et en fait à proposer qu'il y avait tout le monde pense correct actuellement, qu'en fait il y avait un mouvement des plaques qui était entraîné par de la convection, et ça permettait de résoudre des problèmes de thermicité de la Terre. Donc il y avait une convergence, mais c'est vrai que c'est... En fait, les théories, elles viennent parce qu'on a des questions qu'on résout pas, donc on comprend pas comment les animaux ont pu passer des ponts continentaux qui n'existent plus, on comprend pas comment la Terre a pu évacuer suffisamment de chaleur. Et puis ensuite, il faut un déclencheur, et effectivement, le déclencheur, ça a été la découverte de ces structures extraordinaires que sont les dorsales océaniques. Hein. Et petit à petit, au début des années 50, la compréhension de leur rôle, etc. Ouais. Alors, on va essayer de revenir un peu, de raconter cette histoire brièvement, mais en tout cas d'en montrer quelles sont les différentes briques et comment ces briques s'accumulent pour aboutir finalement à cet ensemble qui est celui, le corpus dont on dispose, le corpus scientifique dont on dispose aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les premières intuitions qui datent, vous le disiez, 16e jusqu'au 18e. On sent bien qu'effectivement, il y a des problèmes quand on regarde une carte, qu'on a envie de faire justement, de jouer au puzzle en quelque sorte. Mais les premières pierres, vous le disiez, Éric Calais, c'est Alfred Wegener, qui est un astrologue et climatologue allemand, qui va, pour le premier, proposer le concept de Pangée. Oui, alors il a à sa disposition des observations des climats anciens au travers des roches qu'il trouve sur différents continents. Il a à sa disposition des fossiles qu'il retrouve sur des continents maintenant séparés par des océans. Donc, alors il y avait des théories des radeaux qui auraient transporté par des courants ces animaux d'un continent à l'autre. Bon, c'est assez peu raisonnable. Et donc il est allé vers ce qu'on appelait à l'époque la dérive des continents, qui n'est pas la tectonique des plaques. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je pense, parce qu'il y a eu un moment dans le passage de l'histoire, un moment où les bons éléments de la dérive des continents ont été conservés, et puis ceux qui marchaient pas, ben, on les a oubliés. Mais la notion de dérive des continents, au sens littéral du terme, était vrai. Il n'avait pas les moyens à l'époque de le démontrer d'un point de vue quantitatif. C'est ça qui a bloqué les affaires. Puis il se base aussi sur des preuves stratigraphiques. Il se rend compte qu'il y a des roches qui ont exactement le même type de structure d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, puisque c'est vraiment entre l'Amérique du Sud et l'Afrique que les premières observations se réalisent. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi une époque où il y a beaucoup d'observations géologiques qui sont faites. Les géologues commencent à comprendre les structures des chaînes de montagne. Ils voient, tiens, il y a un bout de la chaîne de montagne des Appalaches qui se trouve dans les Appalaches, puis il y a l'autre morceau qui se trouve en Grande-Bretagne, etc. etc. Donc des structures géologiques qui sont séparées par des océans. Alors on peut toujours imaginer qu'elles traversent l'océan et qu'elles se sont effondrées pour une raison qui reste à découvrir. Et puis encore une fois, les climats c'était important parce que les climats ça pose les continents en latitude. Donc si vous retrouvez des roches glaciaires à une latitude équatoriale, que ces roches ont quelques centaines de millions d'années, il y a un problème. Ça, c'était crucial. Là, avec Wegener, on est au début du XXe siècle. Vous le disiez, hein, Mathilde Canal, l'autre grande pierre qui va être apportée à cette théorie en train de s'établir et de structurer, c'est la prise en compte des fonds océaniques qui arrivent dans la moitié, disons, du XXe siècle, et où on commence à comprendre ce qu'il y a sous l'eau. Avant, on pensait que le plancher océanique, c'était tout plat. Oui, voilà, c'est la cartographie. Alors, il n'y a pas que la cartographie, mais du point de vue date, la cartographie vient en premier. Et donc la découverte de ces structures qu'on a appelées assez rapidement les dorsales. Hein. Et puis la reconnaissance que ces structures étaient des structures tectoniques, ça a été quelque chose de très important. Je pense que c'est un papier... D'ailleurs, c'est un cas assez fameux, enfin du moins dans notre communauté, de chercheuses effacées, ou plus ou moins effacées. Mmh, des faits Mathilda, dont on a parlé dans cette émission il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça, je vous ai entendu en parler. En fait, à cette époque-là, en fait, pour faire les cartographies sur les bateaux, les femmes n'avaient pas le droit d'embarquer sur les bateaux océanographiques. Et donc l'Université de Columbia et son institut, le Lamont, avaient toute une série de campagnes dirigées par un monsieur qui s'appelait Maurice Ewing. Et donc il y avait Marie Sarp qui était embauchée dans cette équipe, mais qui ne pouvait pas embarquer. Donc elle restait à terre et elle transcrivait à cette époque-là les cartes. Il fallait tout faire à la main, faire les calculs et puis redessiner à la main. Et elle a découvert les dorsales, elle les a décrites. Et puis elle a essayé de convaincre son chef médias qui lui, enfin c'était pas vraiment son chef, mais c'était son collègue qui lui embarquait, qui s'appelait Bruce Hazen, que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et d'important et qu'il fallait, et que c'était peut-être l'endroit où on faisait la tectonique des plaques, etc. Et elle a mis 2 ans à le convaincre et finalement il a publié l'article, enfin elle co-signe mais pas en première auteur. C'est en quelle année ça? Alors je l'ai noté, j'ai pris des notes. Je crois que c'est 55 ou quelque chose comme ça. Pour poursuivre, évidemment, il y a cette. C'est intéressant parce que, Éric Calais, vous le disiez tout à l'heure, il y a finalement une sorte d'effet collatéral positif pour une fois de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. C'est effectivement l'exploration bathygraphique des fonds et on commence à avoir une cartographie très précise. Et du coup, ces données sont utilisées par la communauté scientifique pour avancer et pour proposer des nouveaux modèles, justement, pour commencer à mettre en place ce qu'on va appeler justement le double tapis roulant océanique. Oui, oui, je ne sais plus quel physicien disait on découvre pas parce qu'on a besoin, on découvre parce qu'on peut. Donc la technologie est là, on la met en œuvre pour différents objectifs militaires ou civils, et puis après on l'utilise. Alors les scientifiques sont suffisamment malins pour aller jusqu'au bout du bout de ces affaires. Il faut quand même avoir une question. On a un truc qu'on comprend pas, et puis ensuite on découvre parce qu'on peut effectivement, parce que si on n'a pas les outils pour. C'est-à-dire qu'il faut une question pour bien regarder ce qu'on a en face de soi, bien utiliser l'outil. Et c'est sûr que les scientifiques, en général, par définition, ne manquent pas de bonnes questions. Donc si on arrive à un moment dans l'évolution des idées et des technologies qui est tel que les deux sont en phase, des cartes bathymétriques naissent et les gens les regardent avec un œil dont on n'était pas capable 20 ans auparavant, peut-être. Et il y a eu une autre technologie qui a été importante aussi dans ces années-là, les années 40, les années 50, après aussi bien sûr, ça s'est un petit peu estompé dans les temps plus récents peut-être. C'est le magnétisme. C'est le magnétisme, voilà. Le magnétisme des roches. Parce que, alors des roches, d'abord des roches continentales, après Mathilde tu pourras parler des roches océaniques, où là c'est encore, c'est encore peut-être aussi important, plus important. Mais les premières mesures de l'enregistrement des champs magnétiques anciens de dizaines de millions d'années, de centaines de millions d'années dans des roches volcaniques de ces âges-là, a permis de démontrer que là aussi les positions des continents avaient changé les uns par rapport aux autres. Et par quels moyens? Et parce que certaines roches, les roches volcaniques, sont composées en particulier d'un minéral qui est assez mineur, de minéraux assez mineurs, qui sont des minéraux magnétiques. L'un d'entre eux s'appelle tout simplement la magnétite, par exemple. Et ces minéraux, quand ils passent une certaine température, donc quand une lave refroidie, une lave était mise en surface, par exemple, ou même elle peut rester un peu coincée à l'intérieur de la croûte terrestre, elle refroidit. Ces minéraux, quand ils passent cette température, ils fossilisent le champ magnétique terrestre. Donc ça, et surtout pour les continents, ce qui est intéressant, c'est qu'ils fossilisent l'inclinaison du champ magnétique terrestre. Et donc on est capable de reconstituer les positions. Alors ces roches, elles ont en général été bougées par les formations des chaînes de montagnes, des événements géologiques divers, mais on peut reconstituer leur paléoposition. Et puis on a donc à sa disposition une espèce de petite boussole. Pas une boussole qui indique le nord, mais une boussole qui indique la latitude de manière indirecte. Et donc en utilisant la paléo-inclinaison du champ magnétique enregistré dans ces roches, on peut déterminer la position relative de ces roches, donc du continent, par rapport au pôle magnétique de l'époque. Et on fait ça pour toutes les roches volcaniques qu'on peut trouver, toutes celles qu'on peut dater. Et ça a été vraiment une grosse industrie dans ces années 60, 70, 80 aussi, mais peut-être moins, de reconstituer c'est ce qu'on appelait les trajectoires des pôles apparents par rapport aux plaques. Alors évidemment, ce sont les plaques qui bougent par rapport au pôle magnétique. Et quand on en a plusieurs qui suivent, donc deux plaques qui suivent la même trajectoire pendant un certain temps, on se dit qu'elles étaient jointives, puis après on peut les voir s'éloigner. On les voit s'éloigner parce que leur trajectoire se sépare. D'ailleurs, c'est une de nos seules chances de retrouver, si vous posez, vous avez dit que vous alliez poser la question de savoir comment serait la Terre dans quelques millions d'années. On verra à la fin de l'année. Mais si on essaye d'aller très loin en arrière, en fait, c'est notre seul moyen. Si on essaye de regarder ça à des âges encore plus anciens que l'âge des plus anciens océans sur Terre, c'est-à-dire environ 200 millions d'années, et c'est notre seul moyen de savoir comment étaient les plaques à cette époque-là. Donc actuellement, il y a pas mal d'efforts pour essayer de tirer un signal paléomagnétique ténu des roches de l'Archéen, par exemple, parce qu'on se pose vraiment la question de quand la tectonique des plaques a commencé. Mmh. Et on sait qu'il y a des roches de proto-continents qui se sont formées il y a plus de 3 milliards d'années, mais on ne sait pas si ces continents bougeaient. Et c'est terriblement difficile d'extraire un signal fiable de ces très vieilles roches volcaniques, parce qu'elles ont subi plein d'autres choses depuis. Voilà, donc parce que sur les roches continentales, il faut bien distinguer les roches continentales des roches océaniques, parce que c'est justement l'une des découvertes des années 60, c'est bien de se rendre compte, justement via Arias, qui était un officier géologue américain, que cette croûte océanique, non seulement elle est très faible, elle est très peu épaisse, mais surtout elle est très jeune, les sédiments sont très jeunes, sont trop jeunes pour que ce soit cohérent. Oui, ça c'est un argument. Crucial. C'est un argument imparable et ça fait de la Terre un astre, enfin une planète absolument extraordinaire où les deux tiers de la surface sont extrêmement jeunes, hein, parce que à l'échelle de l'âge de la Terre, donc plus de 4 milliards d'années, c'est 200 millions d'années, c'est presque rien. 200 millions d'années, oui. c'est l'âge de la croûte océanique puisqu'elle est renouvelée en permanence par la tectonique des plaques que l'on va expliquer dans un instant. Pour conclure sur cette partie un peu historique, donc tout cela finit par s'accumuler. Hein, on peut parler quand même du magnétisme dans les océans, parce qu'en fait c'est pas le même mécanisme. Tout à fait. C'est pas la paléo-inclinaison qu'on va regarder. En fait, c'est l'alternance d'inversion du champ magnétique. Et donc, parce qu'on regarde des choses qui sont plus jeunes, ça, c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte dans les années 50. Je pense que le papier date de 58 ou 59. Hein. C'est que on avait des cartes de levée magnétique de part et d'autre de ces dorsales qu'on venait de découvrir. Hein, et on s'est rendu compte qu'en fait, ces levées magnétiques avaient des creux et des bosses qui étaient symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. Et en fait, on a pu montrer qu'en fait, ces alternances de creux et bosses représente l'enregistrement par les laves, comme ce qu'Éric a expliqué tout à l'heure, mais d'inversion du champ magnétique. Vous savez que le champ magnétique parfois vise au nord et parfois vise au sud. Et ça s'alterne à peu près toutes les quelques centaines de milliers d'années. Et voilà. Et ça c'est un outil qui permet en fait de connaître l'âge des fonds océaniques. Qui était important, qui a été les délignations magnétiques qui a été mise en évidence par Morley, Vine et Matthews au début des années 60. On va vous remettre, hein, d'ailleurs, on avait consacré une émission entière à cette question du champ magnétique terrestre, de son origine, de ses inversions passées et certainement futures. Pour conclure justement cette partie historique, donc par ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire le Pichon, Morgan propose une idée de bloc rigide, Mackenzie et Parker le terme de plaque et le Pichon un modèle quantitatif. On entre 67 et 68, à ce moment-là, il y a un faisceau d'évidence tel que on ne peut plus, que les fixistes sont obligés d'avouer que leur ancien modèle n'est plus opérant. Je crois que les fixistes purs et durs ont continué pendant un certain temps après à ne pas croire au nouveau modèle, mais c'est vrai que à ce moment-là, dans le milieu des années 60, fin des années 60, beaucoup de pièces du puzzle sont en place. Effectivement, les anomalies magnétiques des fonds océaniques commencent à être bien décrites, en tout cas connues sur certains profils, dont certains appellent le profil magique, hein, d'un profil au travers de la dorsale est-pacifique qui monte d'une manière, mais alors là, c'est le cas d'école de la symétrie par rapport à la dorsale. Et ceux qui doutaient un petit peu de mesures qui avaient été faites ailleurs au sud de l'Islande ont dû se faire à l'évidence. Ça, et puis la sismicité aussi. Mm-hmm. Les séismes ont été importants parce qu'on voyait des séismes dans les océans, on voyait des séismes le long des dorsales. Bon, alors là, ça peut-être que ça commençait à pouvoir s'expliquer. Oui, et d'ailleurs, puis, je pense que le fameux papier Eisen, Sarp et le troisième, je me souviens plus de son nom, mais c'était quelqu'un qui était chargé dans le même laboratoire de pointer sur la carte l'origine, ce qu'on appelle l'épicentre des séismes. Et il travaillait sur le bureau à côté de Marie Sarp et ils ont comparé et c'était exactement sur les dorsales. Parce qu'on peut, peut effectivement superposer les cartes des épicentres des séismes avec les cartes des frontières des plaques tectoniques et on trouve... C'est vrai. De grandes similitudes, même si on verra tout à l'heure que tous les séismes ne sont pas d'origine tectonique. Voilà, mais c'est vrai. Et donc, alors il y avait quand même un type de séisme dans les océans qui était très bizarre. C'est des séismes qui ont lieu sur ce qu'on appelle maintenant très communément les failles transformantes, mais donc ce sont des décalages, donc ces rides médio-océaniques, ou qui ne sont pas toujours médio-océaniques, enfin qui traversent les océans, sont décalés latéralement parfois de centaines, de milliers de kilomètres. Et ces décalages, ils sont aussi marqués par la sismicité, et c'est Wilson, je pense, Hugo Wilson, qui est le premier c'est Sykes qui a montré en fait finalement que cette sismicité elle indiquait un mouvement horizontal latéral. Et là les idées ont commencé, je pense, autour de ce moment-là, on est dans les années 66-67, vraiment à se cristalliser. Et évidemment, ce qui était l'étape clé après, quantitative, ça a été de dire, bon, bah maintenant, est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique d'un point de vue mathématique sur une sphère ? Parce que jusqu'à présent, alors les gens, je pense, enfin, on le voit bien dans les publications, il y avait très peu de quantification sur une sphère. Donc, c'est de la géométrie sphérique, finalement, assez basique. Et quelques personnes ont eu l'idée avant les autres, une connexion qui s'est faite parce qu'ils avaient beaucoup étudié ces problèmes, je ne sais pas, et ils ont fait ces calculs. Donc les premiers à faire ces calculs, c'est Morgan, c'est un des premiers en tout cas à le faire à grande échelle. Et puis donc il publie, mais un petit peu tard, à peu près un an après qu'il a en fait réalisé ses premiers calculs. Et ces calculs sont importants parce que ils posent comme postulat donc le modèle, en quelque sorte, la théorie est: on a des plaques rigides à l'intérieur desquelles il n'y a pas ou quasiment pas de séisme, et comme vous disiez, tous les séismes sont alors pourtour. Bon, l'épaisseur des plaques tectoniques, c'est pas vraiment connu, mais enfin bon, on va dire quelque chose d'une centaine de kilomètres. Bon, enfin, peu importe. À la limite, ce sont des plaques rigides. Si ce sont des plaques rigides, eh bien, leur déplacement à la surface d'une sphère doit obéir au théorème de l'air. Point final. Et si c'est pas le cas, eh ben, c'est pas des plaques rigides. Et alors là, il faut tout revoir. Et donc, les calculs sont faits et le fit est parfait. C'est-à-dire que les données géologiques, géophysiques, les séismes, leur direction de mouvement, etc., sont tout à fait compatible avec ces calculs. La Terre est formée d'un ensemble. Alors, au début, il y en avait 6 parce qu'on n'avait pas suffisamment de données, 12, etc. N plaques rigides. À partir de ce moment-là, je pense que c'est vraiment ce qui a cristallisé, ce qui a mis, je ne sais pas comment on dit ça en français, en américain, on dit ce qui a mis les derniers clous dans le cercueil. Ça marche aussi en français. Parce que la dernière pièce du puzzle. C'est moins sinistre. Voilà, c'est moins morbide. Mais après ça, c'était quand même très très difficile d'aller à l'encontre de cette théorie globale. Parce que ça devenait global aussi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h27 sur France Culture, nous parlons de tectonique des plaques puisque c'est cette année les 50 ans de l'officialisation de cette théorie. Nous en parlons avec Mathilde Cana, qui est géologue, directrice de recherche CNRS dans l'équipe géosciences marines de l'Institut de physique du globe de Paris, et Éric Calais, qui est directeur du département géosciences à l'École normale supérieure. Alors, depuis 1968, évidemment, notre connaissance s'est affinée, notamment par l'évolution des technologies et des techniques qui nous permettent d'étudier cette tectonique des plaques. Ça fait une littération un peu complexe à prononcer, et cette connaissance, eh bien, elle s'est améliorée notamment grâce à l'observation satellite. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'IPG, donc à l'Institut de physique du globe de Paris, au département tectonique et mécanique de la lithosphère, pour voir comment on étudie les entrailles de la Terre depuis l'espace. Oui, j'ai retrouvé Yann Klinger. Il m'a expliqué en quoi l'imagerie satellitaire a bouleversé sa manière de faire de la recherche en tectonique des failles. Alors qu'avant, il fallait se rendre physiquement sur le terrain pour mesurer les déformations, il est possible maintenant d'évaluer la formation des failles par satellite en temps quasi réel et avec une résolution de 50 cm. C'est une précision très élevée qui permet d'explorer des phénomènes nouveaux et d'augmenter ainsi la compréhension de la tectonique à échelle plus locale. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, si vous voulez mesurer la déformation du sol, on allait sur le terrain et on mesurait le décalage d'objets affectés par une faille. Aujourd'hui, la Terre, elle est en permanence photographiée par les satellites. Et donc, on peut notamment chercher les changements entre deux images de la même zone, par exemple, des changements associés à la déformation liée à un séisme. Concrètement, quand on parle de mesurer les failles, c'est-à-dire que sur l'image, ça se traduit par des pixels qu'on compte. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que finalement, vous acquérez l'image comme vous prendriez une photo avec votre appareil photo. Donc on va faire des corrections dans la photo. La prise de photo n'est pas absolument perpendiculaire au sol. Le satellite, il prend un peu vers devant ou un peu vers derrière. Donc on voit bien que les pixels, ils sont pris de façon un peu oblique. Donc ça aussi, il faut qu'on corrige de cet effet. Donc pour ça, on va devoir se servir de la géométrie, donc de l'endroit où se trouve le satellite dans le ciel. C'est des choses qu'on connaît en partie, mais qu'on va aussi chercher à recalculer de façon plus précise. pour déformer les pixels, pour leur redonner leur forme d'origine. Ce qu'on veut, c'est que chaque pixel, on puisse lui donner une latitude et une longitude. Donc pour ça, il faut être capable de recaler chacune des images dans le même système de référence, ce qui n'est pas complètement facile, puisque, encore une fois, on connaît à peu près la position du satellite, mais quand vous avez des pixels qui font 50 cm, vous ne voulez pas vous tromper dans la localisation du pixel de plusieurs mètres. Donc on commence à toucher ici vraiment des niveaux de précision qui sont très élevés, où on touche un peu la limite de ce qu'on sait sur le comportement du satellite, par exemple. Donc on va corriger de ces effets de localisation en utilisant l'image et en se servant de ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, la topographie. Donc on va utiliser l'image qu'on va caler sur la topographie. Donc une partie du déplacement que vous voyez dans vos pixels, il est juste dû au fait qu'en fait vous prenez pas la photo exactement du même endroit. Et ça, on veut pas mesurer ça. On veut se débarrasser de cet effet. Donc là encore, on est obligé de faire des corrections sur l'image pour remettre, s'affranchir de l'effet stéréoscopique finalement. Vous voyez, il y a toute une cuisine qui se fait pas en deux secondes, qui nécessite des calculs assez conséquents. Donc on fait tous ces calculs sur le cluster informatique de l'IPG ici. Il va nous falloir quelques jours, oui, une bonne semaine, pour avoir une image qui ressemble à quelque chose. Une fois qu'on a obtenu une image correcte, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on répète la même opération pour avoir l'image d'après ? Et pouvoir faire le travail de comparaison ? En général, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est de quantifier la déformation. C'est-à-dire, vous avez un gros séisme, on est en train de parler de déplacement de la croûte terrestre de part et d'autre de la faille de plusieurs mètres. Donc, une fois qu'on a la carte de déplacement, c'est-à-dire donc de combien chaque parcelle de terrain a bougé, on peut commencer à faire une cartographie du déplacement le long de la faille. Donc on va faire par exemple des profils en travers de cette carte de déplacement perpendiculaire à la faille pour savoir de combien bouge la faille à chaque endroit le long de la faille. Et c'est loin d'être partout la même chose. Donc on va s'intéresser finalement à la variation de la déformation le long de la faille parce que ça nous renseigne sur la physique même du tremblement de terre. Et donc là, il y a tout un champ d'exploration qui est en train de s'ouvrir parce qu'il y a encore 10-15 ans, dans le meilleur des cas, on avait des images avec des résolutions de 15 mètres, 20 mètres pour un pixel. Aujourd'hui, on est à 50 cm. Donc, on a amélioré les choses de 1 à 2 ordres de grandeur. Donc, on ne mesure plus du tout les mêmes phénomènes. Donc, ça ouvre des possibilités sur vraiment l'exploration de la déformation, non seulement sur le plan de faille lui-même, donc sur l'endroit, la faille que vous allez voir dans le paysage, mais aussi toute la déformation qui va être dans la zone autour de la faille, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le off-fault. Et ça, c'est important parce que, au-delà de nous renseigner sur les processus physiques du séisme et puis des propriétés de la croûte terrestre, quand vous vous intéressez à construire une infrastructure sensible, un aéroport, une grosse usine, je ne sais pas, non seulement vous allez être capable de localiser la faille, si vous allez sur le terrain, vous regardez une image, vous regardez la carte géologique, vous dites la faille, c'est là. Et donc, bien sûr, vous n'avez pas construit votre infrastructure sur la faille, mais maintenant, on peut commencer à s'intéresser à la déformation qui est autour de la zone de faille. Et celle-là, elle va aussi affecter votre infrastructure. Donc là, il y a tout un champ d'exploration sur qu'est-ce qu'on peut dire sur cette déformation qui est dans la zone buffer autour de la zone de faille. Est-ce qu'aller à ces niveaux de précision va permettre aussi de mieux établir des prédictions sur les phénomènes à venir ? En matière de séisme, on ne prédit rien. Par contre, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est à comprendre par exemple les lois d'échelle. Si vous êtes capable d'identifier une faille, clairement, dans le paysage ou sur une photo, donc de dire, cette faille, je la vois sur la photo, c'est une trace dans le paysage, ça fait 10 km, ça fait 30 km. Quelle est la taille du séisme que l'on peut attendre sur une structure comme ça ? Donc on a des lois d'échelle empiriques qui nous permettent de savoir un séisme de magnitude 7, va rompre plutôt 30 à 40 km de faille. Un séisme de magnitude 6, ça va plutôt être 10, 20 km. Donc ça, on peut faire, et grâce aux nouvelles méthodes de mesure qu'on a, on améliore vraiment cette connaissance, parce que par exemple, la rupture, donc la déformation, n'arrive pas partout exactement en surface, ou alors elle est petite, ou elle est très distribuée. Donc si vous êtes limité à aller sur le terrain pour mesurer cette déformation, c'est probable que vous ratiez une partie de la déformation. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques satellitaires, on est vraiment capable d'avoir une image intégrée de la déformation et donc d'apporter une mesure bien plus précise et plus quantifiée de toutes les composantes de la déformation. Donc on améliore ces lois d'échelle aussi. Voilà, le reportage du jour à l'Institut du Globe, l'Institut du Globe de Paris, non, l'Institut, il me manque quelque chose, l'Institut de Physique du Globe de Paris, voilà, l'IPGP, je me disais, il me manque le P, l'Institut de Physique du Globe de Paris, autour de l'observation satellite et la reconstitution informatique de la tectonique des plaques. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Mathilde Cana? Moi, ma réaction, c'est une technique formidable et que j'aimerais bien qu'on puisse avoir une technique comparable pour travailler sur les failles qui sont sous-marines. Malheureusement, les satellites ne voient pas à travers l'eau, donc. Pour le moment. Oh. Et voyons, est-ce que il y a 50 ans, on aurait. Et donc, on peut faire des cartes comme ce que décrivait Yann, mais malheureusement, on peut les faire qu'avec des sous-marins et ça prend beaucoup de temps. On peut couvrir des très petites zones, etc. Donc, on peut pas faire un travail équivalent sur la tectonique sous-marine. Pour le moment, moi, je maintiens que d'ici 10, 20 ans, ouais, on aura des sous-marins qui pourront avoir le même, des satellites, pardon, qui pourront avoir le même type de vision sur les fosses sous-marines. Eric, quelle est? Oui, alors moi, ma réaction, c'est que, donc tout à l'heure, je faisais un parallèle un peu rapide et très simplifié entre la Seconde Guerre mondiale et la bathymétrie qui a permis de faire des découvertes importantes sur la, découvrir la tectonique des plaques. La guerre froide a été aussi un déclencheur extrêmement important pour les scientifiques, c'est parce qu'elle a permis le spatial. Elle a permis, il y a une course évidemment qu'on connaît, une course au spatial entre deux grandes puissances mondiales. Et puis on a su lancer des satellites. À partir du moment où on sait lancer des satellites, eh bien une des choses qu'on cherche à faire par exemple, c'est, en plus d'espionner ses voisins bien sûr, c'est de suivre leur trajectoire de manière très précise. Et la trajectoire des satellites nous informe sur le champ de gravité de la Terre. Et le champ de gravité de la Terre, il est en partie lié à la au processus interne, notamment à la convection à l'intérieur de la Terre. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose qui est très très importante, c'est que le spatial a permis quelque chose qui est extrêmement utile aux civils, c'est le positionnement précis. On a tous un GPS dans nos smartphones de nos jours, avec lequel on se positionne à quelques mètres, on sait de quel côté de la rue on se trouve, en gros, quoi. Alors les plaques tectoniques, elles bougent à des vitesses qui sont de l'ordre de quelques centimètres par an, on va dire. Alors, c'est pas avec un GPS dans un smartphone qu'on va faire ces mesures suffisamment précises. Mais on peut utiliser ces techniques dans un mode beaucoup plus précis où on a une position, pour une position quasi millimétrique. Donc si vous êtes capable de positionner un point, 1000 points, 100 000 points à la surface du globe de manière continue avec une précision d'un millimètre, ben vous pouvez les suivre comme vous suivez une voiture, mais là vous suivez les plaques tectoniques, vous suivez les déformations dont parlait Yann Klinger aux frontières de plaques. Et ça a été possible parce qu'on a su lancer des satellites et parce qu'on a eu besoin, alors pas tellement les scientifiques au départ, de ces niveaux de précision. Et puis les scientifiques ont poussé ces techniques jusqu'à leurs extrêmes et on est maintenant donc à cette précision millimétrique. Donc ça c'est très très important parce que on quantifie directement maintenant, depuis une dizaine d'années, hein, on va un peu plus peut-être, le mouvement des plaques tectonique et c'était quand même une pierre d'achoppement pour Wegener. Ça. Et ça, je voudrais intervenir parce que là, c'est un grand sujet d'étonnement pour moi, mais vraiment, c'est un étonnement. C'est que à ce stade et disons en première analyse, les données de mouvement de ces plaques que donnent les GPS sont en accord, hein, alors qu'elles ne couvrent que des périodes de temps de quelques dizaines d'années au maximum, sont en accord général avec les mouvements des plaques qu'on peut déduire des anomalies magnétiques marine qui, elle, nous donne une vision avec un pas de temps de quelques centaines de milliers d'années. Et donc ça me paraît très intéressant de voir que c'est un processus qui aussi bien que tous les microprocessus qui permettent la tectonique, les failles, les séismes, les éruptions volcaniques, etc., soient des processus qui sont épisodiques, qui ne sont pas des processus continus, ils n'empêchent tout de même que c'est un processus continu à l'échelle du globe. Puis on a parlé de l'espace, mais les géosciences marines, l'océanographie a fait aussi énormément de progrès et nous a permis de mieux comprendre, là pour le coup, ce qui échappe pour le moment, pour quelques années encore, à la vision satellitaire, mais c'est précisément l'activité de ces rifts océaniques, de ces dorsales qui sont aujourd'hui mesurées, connues, balisées relativement bien, ou en tout cas beaucoup mieux qu'il y a 50 ans. Oui, alors il ne faut pas non plus... En fait, il ne faut pas se faire d'illusions, encore une fois, on ne peut pas voir sous l'eau avec les satellites, et donc on connaît mieux la surface de... Et là encore, je dirais que c'est vrai que l'aventure du spatial est très utile, parce qu'elle nous ouvre des perspectives sur d'autres types de planètes et d'évolution planétaire, mais on ne peut pas, en fait, atteindre le niveau de précision de la connaissance de notre globe, de la surface de notre globe, le même niveau de précision que sur des planètes qui n'ont pas d'océan. Et donc, en fait, la cartographie fine et précise de nos océans, elle est limitée à des zones qu'on a jugées des zones types, des zones cibles, sur lesquelles on a passé le temps qu'il fallait, les campagnes océanographiques pour les cartographier. Donc, il y a eu des très grands progrès, les progrès vraiment tout à fait spectaculaires qui sont liés au progrès de l'informatique, qui concernent la capacité de faire des cartes bathymétriques. Maintenant, on va avec des sondeurs, des sondeurs acoustiques qui peuvent couvrir en un seul passage une dizaine de kilomètres, hein, depuis la surface, donc avec des précisions, des résolutions au sol qui peuvent être de quelques, disons, d'une dizaine de mètres. Hein. Mais bon, une dizaine de mètres, c'est loin des 50 centimètres dont parlait Yann tout à l'heure. Et par contre, on a aussi développé des moyens d'approche sous-marine, et on peut installer des sondeurs multifaisceaux, des sondeurs acoustiques sur des sous-marins, des robots sous-marins, et on peut alors s'approcher du fond et atteindre ces résolutions. Mais du coup, on est limité en couverture. À chaque passage, on couvre 10 mètres au lieu de couvrir 10 kilomètres. Voilà. Quelle est aujourd'hui la connaissance, le niveau de précision, en tout cas, de notre connaissance de cette tectonique des plaques sur Terre, puisque il y a eu encore un petit débat il y a peu de temps, il y a 3 ans à peine, sur le nombre de plaques totales et sur leur classification, Eric Calais. Oui, alors le nombre de plaques, c'est un bon mauvais débat, ou un mauvais bon débat, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un débat? En fait, on peut diviser la Terre en un certain nombre de plaques, et ce nombre va être fonction surtout de la quantité de données dont on dispose. Donc évidemment, le nombre de plaques va augmenter avec le temps, puisque la quantité de données augmente, la quantité de données dans les fonds océaniques, la quantité de données géodésiques, etc. Et je pense que, alors, les derniers modèles disent, c'est un modèle à 53 plaques. Alors dans ces plaques, il y a des grandes plaques comme la plaque Pacifique, il y a des petites plaques comme la plaque Caraïbe, il y a des micro-plaques, il y a peut-être même des nanoplaques, enfin bon. Il y a 7 grandes plaques. Alors, oui, ça fait plus trop de débat, en tout cas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des plaques, et puis il y a des zones, des zones où les plaques soit s'écartent, soit se rapprochent, et ces zones-là, elles ne sont pas à rigidité nulle. Elles se déforment, et donc selon la capacité de ces zones interplaques à se déformer, et ben on va avoir une zone qui va être un peu plus complexe ou moins complexe. Donc ça dépend de la manière dont on décide, justement, dans ces zones-là, de décrire les mouvements qu'on y observe. On observe effectivement dans ces zones un peu molles. Souvent, on parle de blocs. Alors, on a un bloc qui se déplace entre deux failles. Est-ce que ce bloc qui se déplace entre deux failles, est-ce qu'il a le droit de s'appeler plaque ou pas? Souvent dans les zones qui concentrent énormément d'intérêts géologiques, par exemple, le bloc, la partie de la Grèce et de la Turquie, il y a des débats sur est-ce qu'il y a une plaque ou est-ce qu'il n'y a pas de plaque, est-ce qu'il y a une micro-plaque, on parle de micro-plaque, mais ça c'est parce que c'est des zones où il y a des enjeux de risque sismique et un intérêt particulier. Ce qui est important, il me semble, c'est de comprendre plutôt les processus, la description à un moment devient... Eric, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que il y a une question de modélisation autour de la structure de ces plaques. C'est-à-dire pourquoi cette plaque sur les 53, pourquoi cette plaque, pourquoi seulement cette grande et toutes les autres petites, qu'est-ce qui arrive? Et il y a plusieurs modèles qui proposent une explication à cette structure de la tectonique terrestre. Mais c'est-à-dire qu'il faut déjà il faut arriver à former des plaques, donc des frontières de plaques. Ça paraît tout bête, mais c'est pas facile de les faire dans un ordinateur, par exemple. C'est extrêmement compliqué. Si on part d'un état zéro, c'est difficile de localiser. Oui, puis il y a trop de paramètres, certainement, mais on a beaucoup de mal à localiser la déformation. Localiser la déformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous imaginez une Terre qui est sous contrainte, il y a des forces telluriques à l'intérieur et à sa surface, enfin sur ces plaques tectoniques. Ces plaques tectoniques, elles se déforment, et sur la Terre, elles se déforment quand même globalement de manière très localisée. Donc des bandes d'une centaine de kilomètres de largeur qui sont les frontières de plaques qui concentrent la sismicité, etc. Donc ça, c'est pas facile à fabriquer. Et puis il y a une autre question qui est comment est-ce qu'on commence ces frontières de plaques? Comment est-ce qu'elles s'initient? Et de nos jours, par exemple, est-ce qu'on est en train d'observer quelque part, peut-être sans le savoir, des frontières de plaques naissantes qui, dans quelques dizaines de millions d'années, auront un océan à leur place ou une chaîne de montagnes, etc. Et donc il y a un continuum finalement qui est pas si simple que ça à décrire et à comprendre entre ces grandes plaques rigides et puis ces zones de déformation un petit peu diffuses dont parlait Mathilde, par exemple en Méditerranée. On peut penser au Tibet, à l'ouest des États-Unis, où on est un peu dans un système, on est plus dans de la guimauve, quelque chose que dans quelque chose de très rigide. Donc il y a un continuum et qu'il faut arriver à comprendre. C'est ce qui... Mathilde Canas, sur cette question? Oui, enfin, moi, je pense que je vois l'heure qui tourne, et il y a une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent que la tectonique des plaques, c'est pas seulement décrire les endroits où il va y avoir des séismes, des failles, etc. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on est là. J'allais y venir. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la Terre est habitable, c'est-à-dire que ce que fait la tectonique des plaques, c'est qu'elle participe elle permet le renouvellement de la surface de la Terre. C'est à cause de la tectonique des plaques qu'il y a les reliefs des montagnes et qu'il y a l'érosion et que les rivières emportent du matériel vers l'océan et que ce matériel conditionne la composition de l'océan qui permet la vie ou pas, etc. Et tout ce mécanisme qui, en fait, et la découverte de la tectonique des plaques, c'est finalement la découverte d'un mouvement de la partie solide de notre Terre, dont avant les années 60, on ne soupçonnait pas l'existence, alors que la partie fluide de notre Terre, on voyait bien qu'il y avait des courants, l'atmosphère, il y avait des tornades, etc. Et maintenant, je crois qu'on est dans une époque où, aussi parce qu'on a des outils, satellitaires et puis des capteurs plus sensibles, etc., où on peut vraiment étudier ce couplage qui est vraiment quelque chose de très fascinant, c'est qui est le lien entre les mouvements dans la Terre solide et les fluides. Et entre autres, une des choses qu'on découvre probablement, c'est que une des recettes pour localiser et pour permettre à la tectonique des plaques de se développer, c'est d'introduire des fluides. Quand on a un endroit qui devient faible et qui se déforme, on introduit des fluides, ils se forment des roches un petit peu modifiées qui ont des minéraux qui sont plus riches en eau et qui sont plus faciles à déformer et qui peuvent permettre, et en particulier l'origine des subductions, c'est-à-dire l'endroit où les plaques s'enfoncent, qui est a priori quelque chose de terriblement difficile à faire, ça peut être vraiment facilité par ça. Bon, etc. On peut préciser aussi également que, jusqu'à preuve du contraire, dans l'état actuel de nos connaissances, la Terre est la seule planète que l'on connaisse qui dispose de tectonique des plaques. De nos jours, oui. C'est une. Alors, quand on pense à la Terre, on pense quasiment instantanément peut-être à sa planète sœur ou jumelle qui est Vénus, avec la même masse, le même volume, la même composition chimique moyenne, qui n'a pas de tectonique de plaques de nos jours, avec des roches pourtant qui doivent être très très similaires. Effectivement, les recherches actuelles montrent que l'eau est très importante. Et alors, l'eau est essentielle. Elle est essentielle pour permettre aux roches. On parle de roches qui sont sous nos pieds à plusieurs centaines de kilomètres, qui sont des roches donc solides, mais qui sont capables, ou bien même les roches des plaques, ces premières centaines de kilomètres. Donc ces roches sont solides en profondeur, il suffit de pression et de température pour qu'elles se déforment et qu'elles bougent, donc c'est la convection, on va dire. Mais il faut que ces mouvements soient possibles, que ce soit des mouvements dans l'ensemble, le manteau terrestre dans son ensemble, ou bien que ce soit de la localisation sur des failles. appareils. Et ça, un ingrédient qui marche bien, c'est l'eau. Et on sait qu'on en a beaucoup dans le manteau terrestre. Un mot à ce propos, effectivement, Mathilde Canas, sans eau, on imagine que c'est pas possible. C'est même un tout petit 0,1% d'humidification des roches, mais qui permet justement cette fluidification, donc ces mouvements de plaques qui seraient vraisemblablement impossibles sinon, puisque le volcanisme fait l'exact inverse, c'est-à-dire que le volcanisme assèche la roche. Alors là, je ne sais pas répondre. Je vous dis, parce que c'est les résultats d'une étude que j'ai lue en préparant cette émission, qui part du principe qu'effectivement, les océans et l'humidification légère au niveau de subduction permet une meilleure fluidification. Par ailleurs, par exemple sur les dorsales, il y a un lien très clair entre la circulation des fluides hydrothermaux qui est un des moyens pour évacuer une partie de la chaleur, mais aussi pour faire rentrer de l'eau et faire ces transformations minérales qui permettent les déformations, etc., qui accessoirement est aussi un moyen d'entretenir la vie des oasis, la vie en conditions extrêmes sans photosynthèse. En fait, il y a un couplage très grand entre le magmatisme et cette hydrothermalisme. On se rend compte de plus en plus qu'en fait, ce qui attire l'eau à l'intérieur de la croûte terrestre, c'est le fait d'avoir une source de chaleur. Enfin, c'est un peu figuré ce que je dis, mais ce qu'on appelle la convection hydrothermale, c'est-à-dire le fait que les fluides s'enfoncent, se réchauffent et remontent très chargés en métaux, etc., et très très chaud. En fait, c'est lié au fait qu'il y a du magma, donc il y a un lien entre les deux. Je ne sais pas si le magma assèche la roche, il attire les fluides. Il y a une autre étude qui a été publiée en janvier cette année dans Nature Geoscience qui établit une corrélation entre la tectonique des plaques et un grand événement d'oxydation qui aurait eu lieu il y a 2,5 milliards d'années, en disant que c'est certainement il y a quelque chose une corrélation entre les deux, et donc du coup sans tectonique des plaques, pour aller dans le même sens que Mathilde Canas, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Oui, c'est clair qu'il y a des feedbacks entre il y a une contribution de la tectonique des plaques, de ces processus, notamment volcaniques, aux dorsales, y compris aux dorsales ou à leur prémices qu'on appelle les rifts continentaux, et puis la composition de l'atmosphère. On le voit aujourd'hui, par exemple, et c'est intéressant parce qu'elle permet de revenir sur l'eau profonde de la Terre. Mathilde parlait de l'eau superficielle. Là, on est dans les quelques premiers kilomètres de la croûte terrestre. Mais il y a de l'eau beaucoup plus profonde. Il y a jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres à l'intérieur du manteau. De l'eau et d'autres produits volatiles qui sortent lors d'épisodes de volcanisme. Et on peut déterminer par leur composition géochimique que certains de ces fluides, notamment du CO2, de l'hélium, et autres sont d'origine très profonde, de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de kilomètres. Donc on observe bien une espèce d'assèchement, entre guillemets, d'une partie du manteau par ce volcanisme dans les zones de rift, et donc une modification plus ou moins grande, suivant la vitesse à laquelle ce volcanisme a lieu, suivant les longueurs de rift dont on parle, donc suivant les périodes de l'histoire de la Terre, des contributions plus ou moins importantes à la composition chimique. L'autre chose, l'autre contribution, c'est l'eau qui rentre dans le manteau. Mmh. Parce que ces zones de subduction dont on parlait, elles apportent à l'intérieur du manteau terrestre une croûte océanique qui contient en surface notamment des sédiments qui ont été transformés externes, mais enfin contient quand même une certaine quantité d'eau. Et ça va être recyclé sur des centaines de millions d'années dans le manteau et distribué dans le manteau terrestre. Donc ça, cette machine eau, en quelque sorte, se maintient. Il y a une autre question aussi qu'il faut poser, c'est d'où, pourquoi est-ce que la Terre est la seule planète? Comment elle a commencé cette tectonique des plaques? Ça, c'est une grande énigme qui reste, Mathilde Canas. Il y a une hypothèse qui dit une collision à 3,5 milliards d'années, collision. Ça, c'est vraiment pas du tout mon domaine de compétences. Éric Calais, peut-être. Est-ce qu'il y a des pistes, en tout cas, sans que ce soit peut-être vos sujets d'études précis, est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus intéressantes que d'autres sur l'origine de la tectonique des plaques terrestres? Je pense que Mathilde mentionnait tout à l'heure l'étude de l'archéen. Je pense que on voit les géologues qui travaillent sur ces chaînes de montagnes extrêmement anciennes, plusieurs milliards d'années, décrivent bien une structure de la Terre qui était une Terre qui fonctionnait différemment de ce qu'elle, la dissipation de la chaleur se faisait de manière différente, en tout cas en surface. Mais malheureusement, ces roches sont très vieilles. Les trouver, les identifier, comprendre comment elles se sont mises en place, c'est beaucoup plus compliqué que des roches récentes. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre dans l'étude de ces structures anciennes pour savoir comment on est passé de cette terre un peu primaire, on va dire primitive, pas primaire au sens de l'ère primaire, hein, c'est bien avant, hein, à une terre structurée. J'ai pas vu, dans ce que je lis en tout cas, la théorie qui explique encore ce passage de manière claire. J'ai lu récemment quelque chose, je me souviens pas des références, mais qui décrivait quelque chose qui m'a plu assez comme conceptuellement, qui était une étape très précoce, un peu hésitante, c'est-à-dire des indices qui vont dans le sens d'un fonctionnement localement pré-tectonique des plaques et d'autres zones dans lesquelles c'est pas tout à fait ça. Donc je pense que c'est assez... Il reste encore ce que je vous mentionne à l'instant, c'était une étude qui est publiée par une équipe de Stanford en 2015, je crois, ou 2013, sur un collisionneur de 35 km de diamètre il y a 3 milliards et demi d'années qui aurait pu... Bon, voilà, on va vous mettre les liens vers cette étude sur le fil Twitter de l'émission. Pour conclure, la question que tout le monde se pose est dans 100, 150, 200, 500 millions d'années, maintenant qu'on a toutes les données actuelle que nous possédons sur la tectonique des plaques, est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Est-ce qu'on sait si les continents vont continuer à s'écarter les uns des autres? Est-ce qu'ils vont se regrouper à nouveau pour reformer un supercontinent? On a des indices là-dessus? Qui veut répondre? Eric Kellet? On sait, quand on regarde aujourd'hui les mouvements des continents aujourd'hui, des plaques mesurées par géodésie spatiale, ce que Mathilde en parlait tout à l'heure, et qu'on compare cette information, qui est une information sur 20 ans, on va dire, avec les données océaniques qui sont des informations sur des millions d'années, on voit qu'il y a une égalité entre 3 millions d'années et l'actuel. C'est-à-dire qu'au premier ordre, les plaques aujourd'hui bougent de la même manière que leur mouvement sur ces 3 derniers millions d'années. Donc on peut probablement prendre un risque assez faible en extrapolant sur au moins 1 million d'années, peut-être sur 2, les mouvements actuels. Mais une des grandes questions... C'est 500 millions, on n'y arrivera pas. Hein, 500 millions. Mais une des grandes questions est qui si on y répondait, nous renseignerait beaucoup sur l'intérieur de la Terre et vice-versa. Si on connaissait l'intérieur de la Terre, on pourrait mieux y répondre. C'est à quelle vitesse les plaques changent-elles de mouvement? C'est-à-dire une plaque, elle bouge dans une direction, bon, ok. Et puis, parfois, elle change de direction. Mais ça se passe en combien de temps? Ça se passe en 1 million d'années ou ça se passe en 10 millions d'années? Et il semble que plus on observe, et plus on voit que ces changements de mouvement peuvent se faire relativement vite. Donc, plutôt de l'ordre de quelques millions d'années, 1-2 millions d'années, peut-être, selon certains. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est hors de question aujourd'hui de prédire le visage de la Terre dans 500 millions d'années. Dans 1 million d'années, on peut le faire à titre d'exercice ludique, sans trop se tromper. Enfin, pour l'instant, rien n'indique que la tectonique des plaques soit en voie de s'arrêter. Il y a le signe de Wilson qui postule l'idée que toutes les 400-500 millions d'années, les continents se reforment en un super continent. C'est très, très théorique. Je crois que c'est fondé sur pas mal d'indications, effectivement, qu'il y a cette tendance. Donc on peut imaginer, bon, de toute façon on sera plus là pour le voir, donc finalement c'est pas très intéressant, merci. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand on parle de tectonique des plaques et de terre solide, c'est que l'énergie qui est derrière tous ces processus, si on essaie de la quantifier, la quantité de chaleur, la quantité d'énergie qui est perdue par le globe, c'est de l'ordre de 44 térawatts. Alors ça paraît beaucoup, mais je pense que c'est important de se rendre compte que cette valeur, en fait, n'est que probablement 2 ou 3 fois supérieure à la consommation énergétique annuelle, enfin à la consommation énergétique actuelle de l'espèce humaine. Et donc ça nous montre que, bien sûr, le soleil bat ça à plate couture, donc il n'y a pas de souci, mais ça nous montre tout de même qu'il ne faut pas prendre la Terre pour quelque chose de si extraordinairement fort que... Peut-être faut-il considérer à l'inverse que nous consommons déjà beaucoup, énormément d'énergie, à peine la moitié ou un tiers de ce que consomme deux fois ou trois fois plus d'énergie. Planète. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Mathilde Cana, merci Eric Kellet. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur la page La Méthode Scientifique sur franceculture.fr ou sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous donc au podcast de La Méthode Scientifique. Vous ferez des heureux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Alex Dang aujourd'hui à la réalisation. Demain, nous parlerons des incroyables progrès que permet l'or nanométrique, autant en électronique, en chimie qu'en médecine. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.